cherche que l'amour et ce que moi j'en dis. Je te dévoilerai que tout émane d'Allah. L'ivresse pure pour nos âmes, il est ton créateur. Protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps s'enrutent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Il nous conduit de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah, de toutes choses il est capable. Rien ne devrait jamais nous faire peur tant que nous implorons sa guidance. Ici-bas, nous sommes de passage dans cette vie. Bientôt place à l'au-delà, dans ces jardins nous serons tous comblés de bonheur. Et quand les temps s'enrutent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Que moi j'en dis, je te dévoilerai.